vénère, c'est officiel, toujours aussi vulgaire. Déjà mort, pas encore sous terre. Hardcore comme nique ta mère, ou les conneries qui se racontent après quelques bières. Originaire du sud, gamin, je connais le truc sans rire. Je connais le biz ici, pas plus qu'ailleurs, ça attire. Wesh les bâtards, faut pas mentir, faut pas venir me la faire à l'envers. J'étais dehors car la plupart ça leur mère pouvait pas sortir. Dans cette ville de tchatcheur, beaucoup racontent des trucs de ouf que même les gosses pourraient pas croire. Heureusement on veille au grain à chaque CD, on remet ces putains de pendules à l'heure. C'est valable pour les autres villes, on est sur le même fuseau horaire. Prédateur baigné, Zek c'est comme un coup de lampe derrière. Un coup de tesson dans le bras, dans le bar. Méfie-toi des gars d'en bas qui marchent seul ou en bande. Ici et là ça raconte des histoires pas possibles. Depuis quand les lopes ça s'imaginent faire les caïds. C'est pour ta gueule ce titre, si t'es un suspect. Comme un colis suspect ou un coup de lame dans le bus. Ici et là ça raconte des histoires pas possibles. Depuis quand les lopes ça s'imaginent faire les caïds. C'est pour ta gueule ce titre, si t'es un suspect. Comme un colis suspect ou un coup de lame dans le bus. J'arrive comme un bâtard du. C'est le sérieux parfois sournois. La mettre en sourdine hors de question pour moi. Mets la pression comme une déclaration de guerre. Ramasse les MC à la petite cuillère. Putain, je vois plein de petits joueurs qui flambent en soirée comme des players. Allez rentrer chez vos mères, allez vomir vos rimes de bâtard. En attendant, en fait, le truc s'améliore. Ça paye comme 50 ou chat millionnaire. Le game a autant d'allure qu'un cire. Predator fout la merde à chaque titre. C'est toujours ce droit qui fait le beat. La photo de la pochette signée Pénitre But. Tu pourras dire à juste titre quel CD de merde, sale fils de pute. Et si j'étais un gros PD, je te dirais de me sucer la bite. Rien mieux pour foutre la merde qu'une grosse insulte. Barrez-vous d'arbitre. Rien à foutre qu'on nous boycotte, fils. Ici et là, ça raconte des histoires pas possibles. Depuis quand les lopes ça s'imagine faire les cailles. C'est pour ta gueule ce titre, si t'es un suspect. Comme un colis suspect ou un coup de lame dans le bus. Ici et là, ça raconte des histoires pas possibles. Depuis quand les lopes ça s'imagine faire les caïds. C'est pour ta gueule ce titre, si t'es un suspect. Comme un colis suspect ou un coup de lame dans le beat. Même passé sur le billard, à l'aller comme au retour, je reste le pillard qui braque leur absent des tours. Pas de vêtements, criard. Juste la parole des faubourgs et la vie est si arbre. Qu'on attend tous notre tour, c'est l'arrivée des trois putains de fracasseurs d'instru. Ramène ton rap de rue, qu'on puisse entorcher le cul. Chez nous c'est du rap de vie, basé sur de vrais vécus. Tous les mange-boulons compris, qu'on ne plaisantait plus. Appelle la sécu, on vient t'infiltrer la base. Remballe tes pétasses d'occasion, quand on vient faire table rase. Allez trace, tarot, avant de recevoir ta mandale. Y'a trop de lèche-couilles, avec des rimes qui valent que dalle. On a la dalle, alors rack au moins une formule kebab. Vas-y achète nos disques, on te filera un peu de rab. Tu marches en crabe, à force de t'être fait enfiler l'oignon. Gros con, on est crade, comme ta meuf et son tampon. Ici et là, ça raconte des histoires pas possibles. Depuis quand les lopes ça s'imaginent faire les caïds. C'est pour ta gueule ce titre, si t'es un suspect. Comme un colis suspect ou un coup de lame dans le bus. Ici et là, ça raconte des histoires pas possibles. Depuis quand les lopes ça s'imaginent faire les caïds. C'est pour ta gueule ce titre, si t'es un suspect. Comme un colis suspect ou un coup de lame dans le bus. Ici et là, ça raconte des histoires pas possible. Depuis quand les lopes ça s'imagine faire les caïds. C'est pour ta gueule ce titre, si t'es un suspect. Comme un colis suspect ou un coup de lame dans le bus. Ici et là ça raconte des histoires pas possible. Depuis quand les lopes ça s'imagine faire les caïds. C'est pour ta gueule ce titre, si t'es un suspect. Comme un colis suspect ou un coup de lame dans le bus.